Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Si le cinéma italien parle l'italien post-synchronisé, l'Italie, elle, parle, ou parlait, en direct, plusieurs langues. L'Italie parle le piémontais, le napolitain, le calabrais ou le sicilien. Elle est une mosaïque de dialectes, de régions et de cultures. Un vénitien n'est bien sûr pas un romain, un milanais ou un florentin. Naples n'est pas Rome ou Turin. Après Les Marginaux, le deuxième volet de la série Cinéma sous les branches, consacré en 1980 au cinéma italien, ouvrait la besace au dialecte. On y analysait comment ce cinéma avait accueilli les nuances et différences régionales, comment, suivant les époques, il avait voulu les gommer ou au contraire avait su en jouer à travers ses acteurs, ses thèmes, ses décors et témoigner de la complexité d'un pays dans la diversité de ses accents et de ses caractères. Avec ce que cela suppose aussi de préjugés, d'antagonismes sociaux et politiques. Cinéma sous les branches, séquence 2, la besace au dialecte. Par Roland Auguet, Chantal de Béchade, Marie-France Nussbaum. Avec Lorenzo Codelli, Enrico Fulchignoni, Jean Gilly, Francesca Isidori, Gérard Legrand, Simon Misrahi. Donc réalisé un film qui s'appelle Il Mafioso, Mafioso je crois exactement, qui est l'histoire d'un homme du Nord qui veut collaborer au développement du Mezzogiorno en y installant une usine. Il descend dans le Sud, trouve dans une petite ville et essaie donc d'implanter là une fabrique. Il s'aperçoit à sa grande surprise que les gens, bien qu'ils leur offrent des salaires disons intéressants, refuse de s'embaucher et que, de toute évidence, il y a un pouvoir occulte qui s'oppose à ses desseins. Évidemment, ce pouvoir occulte, c'est, par une sorte de convention d'ailleurs presque, c'est la mafia locale, qui finit par entrer en contact avec lui et par lui dire à peu près ceci, « En fait, nous n'avons rien contre vous, nous comprenons vos intentions et nous savons qu'elles peuvent nous être finalement utiles au développement de la ville, mais comme vous nous gênez quand même dans nos activités par votre seule présence, parce que vous allez troubler le système tel qu'il fonctionne pour l'instant, eh bien nous allons faire un échange. Vous allez aller à New York, et là on lui révèle qu'il s'agit d'aller à New York pour abattre un individu devenu dangereux. il va en Amérique, commet son crime, qui évidemment restera toujours impuni car personne n'a aucune idée de lien possible entre cet industriel italien, qui d'ailleurs évidemment se dissimule et tout, enfin de ce mystérieux voyageur qui va, qui commet un crime, qui rentre ensuite, qui ne rentre même pas chez lui donc, mais dans la ville où il voulait s'implanter, et qui là, une fois le crime accompli, se trouve en quelque sorte à égalité avec les chefs locaux de la mafia et peut, semble-t-il, fonder son usine et prospérer tranquillement et donc aider effectivement au développement du Sud, mais au prix d'un renoncement finalement presque à l'idéal qu'il avait eu en partie, n'est-ce pas, en venant là-bas, puisqu'il renforce le système contre lequel il avait plus ou moins quand même l'intention de lutter. Alors ceci est une sorte d'allégorie, disons un petit peu datée aujourd'hui, mais qui est un des exemples de la dualité nord-sud comme le cinéma italien pouvait l'envisager donc il y a maintenant une vingtaine d'années. La mafia est un phénomène paradoxal parce que finalement elle est quelque chose de secret par définition et qui doit être mis en évidence par quelque chose de totalement explicite qui est le cinéma, qui est l'image cinématographique. C'est donc vouloir donner de l'apparence, de la réalité, de la densité à un phénomène cryptique, un phénomène caché. Et c'est là, finalement, l'impasse dans laquelle se sont trouvés la plupart des auteurs qui ont voulu décrire la mafia. Parce qu'on peut décrire, quelqu'un qui tire à loupard. La loupard, c'est le fusil à canne coupée, à canne courte, qui servait pour tuer les loups. Et qui est donc le fusil, l'arme avec laquelle les mafiosi font leur vengeance. Bon, si on voit quelqu'un tué par loupard, on peut dire que c'est l'œuvre de la mafia. Mais quant à dire quel est l'antécédent, quant à dire quels sont les moyens à travers lesquels toute cette autorité tordue s'est mise en évidence, quels sont les truchements par lesquels est passée cette action de vengeance, etc., là commence le mystère, vous comprenez? Parce qu'il est terriblement difficile de pénétrer dans une structure qui est une structure, je répète, secrète. On n'entrera pas maintenant dans la description d'un fait social infiniment complexe sur lequel il y a des bibliothèques. Mais enfin, disons, pour schématiser, pour simplifier, si la mafia est considérée un système qui a substitué, un système amorphe, abnorme, qui a substitué, dans d'autres époques, une autorité gouvernementale inexistante, s'il y a donc une sorte d'État dans l'État, qui est la structure mafiosa, on peut considérer que tout ce que la mafia fait ressemble en caricature tragique, et d'ailleurs Chacha l'a très bien mis en évidence ça, dans ses livres, représente le système d'autorité de n'importe quel gouvernement, de n'importe quelle structure d'autorité. C'est donc, la mafia est donc un système qui est, je répète, une caricature tragique de toute structure autoritaire. Et là, ses exécutants, ses juges, ses chefs, une hiérarchie de fer, des bourreaux, des hommes de paille, etc. Et là, une très importante configuration qu'on connaît sur le papier, mais dont il est terriblement difficile de retrouver, de découvrir le tenant et les aboutissants. Bon, il y a eu beaucoup de metteurs en scène qui se sont occupés d'éclaircir ce mystère. Jeremy, par exemple, Au nom de la loi, vous rappelez, c'est un de ses meilleurs films où on décrit justement l'existence des personnages mafiosi, mais enfin, là aussi, on voit les conséquences, mais malheureusement, la dynamique du processus mafioso reste toujours très, très difficile à mettre en évidence. Au nom de la loi, à mon avis, est peut-être le meilleur film italien qui a traité. Il était tiré d'ailleurs du roman d'un juge qui avait longtemps vécu en Italie, du Sud, qui avait vécu en Sicile, et qui avait écrit ses expériences de jeune juge, justement débutant, dans une ville particulièrement habitée par la mafia, et qui a été traduit en œuvre cinématographique. Rossi a traité des problèmes de la mafia. En traitant, par exemple, de la vie de Mattei, dans l'affaire Mattei, il y a souvent des allusions à la mafia. Et on voit comme ça, par bribes, par illumination, et c'est une manière exacte, je crois, de montrer l'influence de cette structure dans une société. Séquence 1. Découverte du corps de Giuliano à Castelvetrano. Séquence 2. Palerme en 1945. Giuliano au service du séparatisme sicilien. Séquence 3. Castelvetrano en 1950. La police emporte le cadavre de Giuliano. Séquence 4. Montelepre après la guerre. Les Picciotti affrontent l'armée. Séquence 5. Mai 1946. La Sicile obtient l'autonomie administrative. Giuliano au service de la mafia, le mouvement séparatiste s'éteint de lui-même. Séquence 6. Reprise de la répression militaire pour capturer Giuliano. Rafle à Montelepre. Séquence 7. Castelvetrano. Douleur de la mère de Giuliano devant le cadavre de son fils au reposoir du cimetière. Séquence 8. 1er mai 1947, massacre de Portella della Ginestra, arrestation des Picciotti qui y ont participé. Séquence 9. Montelepre en 1950, Giuliano n'est plus qu'un nom sur une tombe. Salvatore Giuliano, on pourrait parler de ce film des jours, même plus. C'est un film qui révèle, si vous voulez, Rossi, qui avait déjà fait deux ou trois films avant, mais qui n'était pas très important comme celui-là, qui révèle Rossi comme le vrai grand cinéaste, si vous voulez, politique italien, à l'époque où il n'existait même pas le terme cinéma politique. C'était pas, je ne sais pas s'il a été inventé après Salvatore Giuliano ou bien si c'était toute la vague de films que Salvatore Giuliano a lancé qui a été appelé cinéma politique et qui aujourd'hui est devenu un cliché, si vous voulez, facile à dire, un film politique, un film pas politique. Et bien, Salvatore Giuliano, c'était un film ultra courageux pour l'époque parce que vous devez penser qu'à l'époque il y avait encore une féroce censure politique et on ne pouvait pas traiter certains arguments comme la mafia dans les films, comme la police dans les films, comme les connexions entre mafia, pouvoir politique, police, répression policière et contact à l'époque entre gouvernement et parti de droite qui essayait de venir au pouvoir encore en Italie à travers la mafia où ils ont toujours du pouvoir. Des acquaintances. Oui, oui. Et pour l'époque, il y a eu toute une bataille terrible, soit pour faire produire les films, soit pour faire terminer les films, soit pour faire sortir surtout les films, parce que les films étaient sortis après un long battage sur la presse, etc. Salvatore Giuliano, comme vous savez, s'inspire des faits réels du début des années 50, plus ou moins, mais des faits tellement brûlants que même 10 ans après, ils étaient presque interdits sur la presse, où personne ne connaissait rien. Sur la vraie, même aujourd'hui encore, on discute sur la vraie assassinat ou vraie mort de Salvatore Giuliano. C'est un film formidable parce que c'est un, comme des grands films, le film récent par exemple de L'Homme de marbre de Vaïta ou le classique de Orson Welles, Citizen Kane, ils ont une structure fragmentée où la vérité n'est pas dite. C'est pas Francesco Rosi qui dit qui a tué Salvatore Giuliano, c'est Francesco Rosi qui exprime tous ses doutes, toutes ses interrogations sur l'affaire énorme, parce que ça c'est une affaire qui est importante sur tous les niveaux politiques, sociaux, économiques, culturels de Salvatore Giuliano, et sur un problème qu'il vit actuellement, le sud, le sous-développement, les paysans qui doivent devenir des bandits pour se défendre, pour obtenir de l'argent, pour obtenir du pouvoir, etc. D'habitude, il travaille avec des journalistes politiques, pas des journalistes de cinéma du tout, parce que ce sont eux qui l'inspirent, ce sont eux qui lui donnent des dossiers ou secrets ou impubliables pour des raisons de connexion du pouvoir, etc. De là sont nés, pas seulement Salvatore Giuliano, mais presque tous ces films, l'affaire Mattei, et tous ces films politiques. Une famille comme la mia se n'est perso lo stampo. Ma chi vedo all'orizzonte? Excusez-moi. Contessina de Attalis. Attenta! Attenta, che cosa? Le si vede il costume! Signori, nella pallida dolce dirimpettaia di quel casino. C'est justement vers 1954, l'année de mon départ, que la civilisation de masse a fini par atteindre Naples. Les architectes s'en rendent mieux compte que les autres. Ils se font constamment du mauvais sang, combattant avec acharnement pour éviter qu'une fontaine soit transportée où il ne faut pas, pour sauver une église ou un portail, pour faire respecter le plan, la loi. Mais que veux-tu? Tu tournes le dos et déjà un affreux bâtiment s'est élevé. Il étouffe une rue, abîme un paysage. Un moment de distraction et 10 nouveaux étages abusifs s'ajoutent au gratte-ciel. On se croirait dans la jungle. Les maisons poussent au hasard comme la végétation tropicale, sans règles. Et Naples sera bientôt submergée. Penser qu'on aurait pu profiter du boom du bâtiment et même de l'avidité des nouveaux venus pour rendre la ville à peu près habitable et la coexistence humaine possible ici aussi. Grande maestro di gogna. Ironia. Grande maestro di humor. Sono fessico per tanto tempo a parlare con te. Non ho bisogno di... Quello che non lavora mai, stanno sempre a discutere. Tu leggi di Wittgenstein. La gabbia del linguaggio si frantuma anche con il comico. Guarda Totò. Se vous regardez les villes qui paraissent le plus en Rome, Naples, la Sicile, pour toutes les raisons, même la comédie italienne, de Divorce à l'italienne de Germi à Salvatore Giuliano de Rosi, le film de Zampa qui est un metteur en scène assez intéressant, Les années difficiles, l'histoire du fascisme, de petite bourgeoisie au temps du fascisme. Disons que peut-être Naples et Rome sont les villes les mieux représentées dans le cinéma italien, je ne sais pas pourquoi. Rome parce que tout le cinéma se fait là, et Naples parce que Naples c'est un monde. Et soit les metteurs en scène néapolitains qui ne sont pas nombreux, Rosi, Eduardo De Filippo et deux ou trois autres, l'ont pris comme cible de leur examen. Un film en particulier, un portrait formidable du monde politique, sociologique de Naples, c'est la même base sur la ville. Qui, en partant de la dénonciation de la spéculation des constructions, même pas sur la ville, pourrait s'appeler spéculazione edilizia, hier, aujourd'hui et demain. En partant de ça, de cette accusation-là, le film va beaucoup plus loin, arrive à montrer la liaison secrète entre les forces de la démocratie chrétienne, de la droite, et la récupération de certaines forces de gauche. C'est un peu un centre-gauche On était en 1962-63, et le film était vraiment prophétique. Je crois que c'est le film politique le plus profond qui a été fait en Italie, même bas sur la ville. Rosier a raison quand il dit que c'est un film qui a été fait hier, non, pardon, demain. Parce que c'est vraiment, on l'a vu récemment à la télévision italienne, où sa présentation avait été toujours retardée parce qu'il y a un portrait des socialistes qui n'est pas beau du tout, et démocrate chrétien qui n'est pas encourageant pour les forces qui dominent la RAI, la radio italienne, la radio-télévision italienne. Mais donc présenté avec un énorme retard seulement l'année dernière, le film a fait une impression considérable, parce que c'était le portrait vraiment d'une ville et de tout un système social et politique italien. Autrefois, les villes, Naples a été un peu simplement un décor pour certaines comédies italiennes. L'Or de Naples, par exemple, de De Sica, un film à épisode assez beau de 1954, 55 ou 56, ou certaines comédies de Eduardo De Filippo. Mais là, c'était plus que les ruelles de Naples, c'était la napolanité, l'esprit de Naples, des Napolitains qui était en cause. Scusi, sa dove posso trovare Giulio? Essere sincero, non sono della casa. Cerchi essa stessa. Queste serate non ci si può più venire, troppi buffoni, bisogna tramontare dignitosamente. A Napoli, durante l'occupazione alleata, il massimo complimento che facevano a Totò era Totò, in armata americana. Mezzo miliardo tra il finanziamento del ministero, l'intervento della regione e un piccolo appoggio del partito. Beh, scene spettacolari, oltre al palcoscenico, occupa anche la platea, i palchi. C'è un po' di riso bianco. Io non capisco che sia. Non mangia, non beve, non parla, ma che ci viene a fare? Ci viene per convincersi che va bene a non mangiare e a non parlare. Ogni stagione diamo la colpa a qualcuno. L'anno scorso Lenin, quest'anno Brecht, e adesso... Ma visto in un paese capitalista, scissione della personalità è colite. Allora invece ne preferisci il fagiolo lo mangio, eh? Cosa c'entra il fagiolo con la sfera interiore? Tu dell'India non hai capito niente. Io ho riletto Pinocchio. Perché ho riletto Pinocchio? Oh, Giorgio Bocca è sempre all'attacco di Pinocchio. Proust, domandò Giovannino. Allora mi si roli subito. Qualcosa mi dice che lei non ha mai letto Proust, giovanotto. E Giovannino. Mentre voi leggevate Proust, noi facevamo la resistenza. Scusa, sai dove è Giulio? Giulio? Non lo conosco. On peut presque dire que c'est les films de Rosie qui est d'origine lui-même napolitaine, bien qu'il vive à Rome. Ces films sont des descriptions de l'opposition nord-sud dans ses étapes historiques. Première étape, l'affaire Mattei, une autre étape, à peu près concomitante dans le temps, certains détails de Lucky Luciano, qui ne sont compréhensibles, bien entendu, que dans cette opposition entre Rome, disons, qui est le Nord, pour les gens du Sud, Rome, c'est déjà le Nord, et les puissances qui sont au travail en Sicile et à Naples, et d'autre part, plus récemment, Rosie vient de terminer, enfin l'année dernière, à se présenter à Cannes, Le Christ s'est arrêté à Eboli, et dont le tournage s'est passé pratiquement, non pas à Eboli même, mais dans des villages qu'il a retrouvé intact, pratiquement le sud décrit par Carlo Levi, c'est-à-dire le sud du temps de Mussolini. Ce sont là, disons, des phénomènes historico-archéologiques, enfin plutôt des études historico-archéologiques. Mais quand on parle de la réalité vivante du Sud aujourd'hui, des efforts de développement, etc., il est plus intéressant peut-être de voir comment, petit à petit, le Sud cesse lentement, très lentement, d'être l'objet d'une ségrégation nord-sud, d'une opposition carrée nord-sud, pour petit à petit s'intégrer dans le cinéma italien, dans des descriptions sociales, par exemple, comme celle d'Elito d'Amore, bon, où le problème véritable, qui n'est pas tellement la vie du Sud en tant que telle, mais la vie des gens du Sud obligés de venir travailler dans le Nord, c'est une transhumance ou un mouvement qui continue toujours à l'heure actuelle. Cette description, par conséquent, je crois, évolue maintenant quand même vers... de la part des cinéastes italiens qui sont, il faut bien le dire, tous, à peu près sans exception, des gens extrêmement, même ceux qui font des, comme on dit, des comédies, n'est-ce pas, sont des gens extrêmement conscients de la portée sociale de leurs œuvres. Et il n'y a pas en Italie de cinéma, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de pur divertissement, ou alors il est vraiment d'un niveau extrêmement vulgaire, et quantitativement, en plus, il est très peu nombreux, n'est-ce pas. Le cinéma italien, dans son ensemble, est un cinéma très, très sérieux, très pénétré d'idées, ou tout au moins de tentatives d'idées, même encore une fois dans des films qui nous apparaissent presque sous dehors de la farce. Eh bien, l'ensemble des cinéastes italiens, donc, cherchent certainement actuellement à atténuer, non pas à titre d'exorcisme, mais simplement parce que ça correspond quand même à une sorte d'évolution assez lente qui s'est faite dans l'esprit de l'Italie elle-même, le divorce nord-sud. Mais ce divorce, il faut bien dire que s'il a des aspects dramatiques, il n'est aussi que la schématisation qu'on fait pratiquement, souvent, facilement en France, d'un éparpillement encore beaucoup plus grand de l'Italie, qui est, vous parliez des peuples de l'Italie, s'il est très vrai qu'il y a en Italie des strates sociales, comme dans tous les autres pays d'Europe occidentale, des strates sociales classiques, il y a également une diversité qui est celle des provinces. Et que le cinéma, je ne dis pas qu'il cherche à la renforcer, mais ne peut que traduire dans la mesure même où on a essayé autrefois artificiellement de la gommer et même de la détruire. Lazio Mio, della finanziaria Pini, della Giannutri oggi e domani, vicepresidente della società alberghiera Sicilia Ovest e della Maiolicati Torzillo e Santa Lucia, consigliere delegato della società laziale Alberini, Vita la Spalla, della LS Importante. Le fascismo ne si è pas servi directement du cinema come d'un instrument de propaganda. Ce qui peut paraître surprenant, mais en fait, lorsqu'on examine la production italienne pendant la période fasciste, on s'aperçoit que les films qui sont directement des films de propagande sont en tout petit nombre. Il y a à cela de nombreuses raisons. Je crois que peut-être la plus caractéristique est le fait que dans les milieux gouvernementaux et dans les milieux qui dépendaient du ministère de la Culture populaire, se sont affrontées différentes positions au travers desquels, finalement, s'est imposée l'idée que le cinéma pouvait servir de moyen de propagande, mais de moyen de propagande indirect. C'est-à-dire essayer de faire plutôt du cinéma le support d'une usine de rêve. Faire du cinéma essentiellement un domaine réservé à l'évasion. Alors plutôt que de parler des thèmes du fascisme, plutôt que de raconter la conquête du pouvoir ou d'exalter les résultats du régime fasciste, on a préféré donner la priorité à des films qui étaient des films destinés à un public qui était le public traditionnel des années 30, c'est-à-dire le public du samedi soir, si vous voulez, public populaire. N'oubliez pas que dans cette période, il n'y a pas de télévision, donc le grand spectacle audiovisuel, c'est le cinéma. Et pour ce public-là, très important quantitativement, on a choisi de tourner des films qui seraient principalement des films d'évasion. Ce qui ne veut donc pas dire qu'il n'y avait quand même pas un élément de propagande dans cette manière de concevoir le cinéma. C'était en effet une propagande indirecte qui consistait à donner l'image d'une Italie heureuse dans laquelle, dans ces films-là, il n'y a pas de problème. On ne voit jamais une allusion quelconque à des difficultés économiques ou politiques ou sociales. Il n'y a pas de grève à l'écran, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de meurtre, c'est à peine s'il y a l'adultère. C'est donc un cinéma qui essaie de proposer cette image complètement idéalisée de l'Italie. Alors pour en venir de manière plus précise à la question que vous me posez, c'est-à-dire le problème de savoir si dans ce cinéma existe le problème des provinces, il est certain que le cinéma italien de la période fasciste a été un cinéma profondément unitaire. C'est-à-dire un cinéma dans lequel le phénomène régional était nié. Lorsque le fascisme s'installe au pouvoir, l'Italie en tant qu'État n'existe que depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est un État qui n'a pas de forte tradition historique. Et les différents régimes qui se sont succédés ont tous essayé de favoriser une homogénéisation du pays. Le fascisme va s'y employer encore plus fortement que les régimes qui l'ont précédé. L'homme italien doit devenir une espèce d'entité qui fasse disparaître des disparités régionales qui sont très fortes. On sait très bien qu'en Italie, entre Milan et Rome, entre Rome et Naples, entre Naples et Palerme, il y a toute une série de nuances entre Venise presque d'une région à l'autre, en parcourant quelques dizaines de kilomètres, les dialectes ne sont déjà plus les mêmes, le fond culturel n'est plus tout à fait le même, donc c'est vraiment un pays qui est une mosaïque de langues et de cultures, avec bien sûr un fond commun, mais ce fond commun qui lie ces Italiens les uns aux autres est quand même quelque chose qui est un peu superficiel. Le fond, c'est la culture régionale. Ce sont des langues qui sont des langues caractéristiques. Vous savez que bon, chacune de ces villes-là et chacune de ces régions-là a eu son histoire. Venise a eu son histoire et donc ce qu'on parlait à Venise, c'était une langue. Elle est considérée en patois à l'égard d'une langue abstraite qui est le florentin. Le florentin parlait à l'époque de Dante, qui a été considéré la langue italienne, mais par convention, parce que finalement personne ne se reconnaît dans la langue florentine. En Sicile, chez nous, on parlait plusieurs dialectes qui étaient des langues, parce que finalement, bon, il y avait des origines espagnoles, il y avait des origines arabes, etc. Il y a toutes sortes de mélanges. Et ces langues-là sont des langues qui sont transposées au cinéma d'une manière très précise, avec une psychologie tout à fait caractéristique. Ça, c'est le côté important qu'il faut bien connaître, parce qu'une langue n'est pas seulement une langue, elle correspond à une sorte de stéréotype, d'image typique d'une mentalité. Je vous donne un exemple. Bon, quand on parle en néapolitain, on sait très bien qu'on a affaire avec un commerçant, quelqu'un qui pourra plus ou moins raconter des bobards, un peu menteur, quelqu'un de un poète plutôt ronflant. Quand on parle d'un Vénitien et quand on entend un patois vénitien. Je parle toujours de stéréotypes dramaturgiques, je ne parle pas du tout de réalité sociale, ce n'est pas du tout ça. Mais enfin, quand vous entendez un acteur parler en vénitien, on pense à un type sérieux, un type plutôt avare, un type plutôt âgé. Ce n'est plus du tout le jeune qu'on a quand on parle napolitain. C'est un type ancien, sensé, méditatif, etc. Ce qui représente un peu l'héritage historique d'une civilisation comme la civilisation vénitienne. Quand on parle en florentin, quand on entend l'accent florentin, ça veut dire qu'il y a un type ironique, un type un peu cynique, un type qui considère le reste des Italiens comme des primitifs, des sauvages, des non-civilisés, un type orgueilleux. Quand on parle, bon, milanais, c'est bon, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un d'un peu, un peu fat, quelqu'un de, au point de vue culturel, un peu dépourvu, mais non actif. Et donc, quand on entend quelques-unes de ces langues, à l'écran ou bien au théâtre, il n'y a pas besoin de faire de longs exercices de psychologie pour savoir de quoi il s'agit. Ces acteurs représentent des caractères, des mentalités, de telle sorte qu'il y a eu des simplifications qui sont opérées dans l'histoire du spectacle en Italie, déjà à l'époque de la commedia dell'arte, où les masques, du fait de parler une langue, avaient déjà une psychologie qui leur était tout à fait particulière. Par exemple, bon, Polichinelle ne pouvait pas être un guerrier. Polichinelle, qui représentait la civilisation de Naples, était un paysan souvent affamé, un paysan débrouillard, un paysan rusé, et qui caractérisait comme ça une civilisation, une époque. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, on savait déjà qu'est-ce qu'il aurait fait, et le plaisir était de voir les variantes de cette constante psychologique. Et en même temps, Arlequin. Arlequin représentait le nord de l'Italie, alors encore une fois, des paysans, un paysan affamé, alors celui-là, parce qu'il était vraiment dans des conditions de vie extrêmement difficiles, graves. Et alors là aussi, c'était un moyen de devoir rapidement, dès qu'il ouvrait la bouche, savoir de quoi il s'agissait. Voilà. C'est donc le masque qui explique, le masque de la comédie de l'art, qui explique et justifie l'existence des dialectes et qui nous donne une psychologie qui est une psychologie régionale. C'est-à-dire, il y a la psychologie du vénitien, la psychologie du romain, la psychologie du napolitain, la psychologie du sicilien, et ça facilite énormément le processus comique, parce qu'il n'y a pas besoin d'explication. Vous savez que la psychologie est l'ennemi du comique. Le comique, en général, dans ses formes les plus pures, est un jeu mécanique, est un jeu dans lequel, à un certain moment, une fois qu'on a donné les éléments d'une structure, tout consiste à faire varier les rapports entre ces éléments, de manière plus ou moins accélérée ou ralentie, de telle sorte que le plaisir consiste à voir les variantes, les jeux de fantaisie. Tandis que si on commence à entrer dans les méandres de la psychologie, les effets d'accélération du comique sont énormément réduit. Bon, dans ce cas-là, les présences des masques de la comédie de l'art, et il suffit de penser maintenant à Sordi, de penser à Toto, de penser, je sais pas, à Magnani, de penser aux acteurs de l'époque tout à fait du début, Petrolini, par exemple. Il suffit de se rappeler de ces personnages pour se rendre compte qu'ils sont des descendants directs de la comédie de l'art. And also, which is most important, the procedural desire. Subdivide. You get now, in train of my dear. $1,000,000, come over to my office. Come you want a puff? A bucatino? Oh, no! È profuso e intollerabile. Ora lei mi accompagna a casa, non posso mica presentarmi così. Ingegnere, ho tentato tutti i giorni di rintracciarlo, ma inutilmente. Ho l'ordine di accompagnarlo immediatamente dal giudice istruttore. Spiacente. On sait que l'unité italienne existe depuis un siècle. Et finalement, l'Italie n'existe pas. Il y a une quinzaine d'Italie qui ont en commun une langue qui n'existe même pas. Je veux dire, tout le monde vous dira en Italie que, et Adje Scarpelli, dont on parlera tout à l'heure en tout premier, que la langue italienne n'existe pas. La langue italienne n'existe pas encore. On parle, même à l'école, on n'enseigne pas le même italien d'une région à l'autre. Il y a une espèce d'italien scolaire qu'on enseigne qui n'est parlé nulle part. L'italien qui est parlé dans le nord de l'Italie n'est pas celui qui est parlé dans le sud de l'Italie, et je ne parle même pas des dialectes. Alors, dès qu'on pénètre le domaine des dialectes, je veux dire, il y a des gens qui ont... L'analphabétisme est une chose qui a cessé, pas tout à fait, mais presque, d'exister depuis à peine quelques décennies. Donc, c'était un cinéma qui reflétait tous ces problèmes immenses, des problèmes de migration d'une région à l'autre. Aujourd'hui, le sud se trouve au nord. Le nord a tendance à s'implanter au sud. Les Vénitiens sont des gens qui sont extrêmement fermés sur eux-mêmes. C'est la république la plus orgueilleuse qui ait jamais existé, et les Vénitiens en sont très conscients. Naples est un pays dans le pays. Il y a toute l'Italie et Naples à part. Et le cinéma italien, et en particulier la comédie italienne, a ceci de très fort que c'est un cinéma qui a toujours reflété ces immenses problèmes, des problèmes de survie, problèmes de chômage, problèmes de communication, problèmes de travail, problèmes sexuels, problèmes... vraiment des problèmes de toutes sortes. Svergognata, sei fatta la malazione, hein? Io? Ma che state a dire? Quale malazione? Ti ho visto, sa, mentre che ti lavavi i capelli. E che è successo mentre me lavavi i capelli? È successo che ti faceste fare lo brutto servizio da quel ricchione di mio figlio Nando. Io? No! Sarà dai numeri. Non di ne casa. Ti ho visto io con quest'occhio, brutta vacca angalorata. Ma io non mi sono accorta di niente. Ah, sì? E ci sta voi a Colombrina? Svergognata! Aio! Mi fate male! Ma non ti avvergogna a fare le scongezzerie col frate di tuo marito, sotto allo stesso sacro tetto di abitazione? E se quel cornuto di tuo marito lo verrebbe a sapere, eh? Che succederia se ce la dicesse? Che succederia? Ma non è stata colpa mia! Che potevo fare? Ho dovuto subire la violenza! Zitta che ci sento! Che forza mi strafogare! Tu pure però ti dovresti stare più accorta. Io lo dico per il bene tuo, da padre a figlia. Con tutta sta roba che t'ara trova, tu approvo che tutti gli mascoli. Uno ti vede in giro per la casa così e subito si impregola. C'è bene la bramosia dello scapriccio e poi succede quello che non ha dovesse da succedere. Ma che state a fare? Io non mi capisco. Io non ci dico niente a tuo marito. Pace di casa, per la quieto vivere, ma tu me lasci fare, Dora. Se tu sei comprensiva, papà tuo non parla. È vero che sei comprensiva. Vieni qua, bella, come sei bella. No, no, no. Perché no? Ma che spingi tu a me? Aspetta qua. Alors, le fascisme va s'employer très fortement à passer l'Italie dans une espèce de... presque de rouleau compresseur qui consisterait à faire disparaître les disparités régionales, et notamment du point de vue linguistique. Alors la culture officielle est évidemment une culture en langue italienne. Au niveau du cinéma, cela se traduit par un refus systématique des films qui pourraient être dialectaux. Et les moyens de contrôle du régime sont très efficaces puisqu'il y a un système de censure qui fonctionne sur les scénarios avant tournage. Et la censure intervient deux fois. Elle intervient sur le film terminé, mais ça c'est assez fréquent et ça existe à peu près dans tous les pays, mais elle existe aussi en amont, au moment de la préparation du film. C'est-à-dire que l'on ne peut pas obtenir d'autorisation de tournage sans avoir préalablement présenté un scénario complet. Et également un plan financier, un plan de financement. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'aspect contrôle de contenu. Dans ce contrôle du contenu, les fonctionnaires qui sont chargés de ce contrôle peuvent faire des observations et l'autorisation de tournage n'est donnée qu'après qu'un certain nombre de modifications aient été apportées. De surcroît, dans un système qui est celui que je viens de décrire, l'autocensure fonctionne également très fortement. C'est-à-dire qu'on sait très bien a priori qu'un certain type de sujet ne sera pas accepté. Donc on ne propose même pas. Ce qui fait que de façon seulement apparemment paradoxale, la censure n'aura même pas besoin d'être très sévère. Elle n'a pas besoin d'être très sévère, de toute façon on ne lui présente que des choses, que des sujets, que des scénarios dont on peut penser a priori qu'on pourra les tourner. Alors en particulier, on ne présente jamais de scénarios qui seraient des scénarios rédigés, au moins au niveau des dialogues, en dialecte. Ce qui fait que le phénomène dialectal, a priori, disparaît complètement de l'écran. Néoréaliste a justement montré un autre visage de l'Italie avec un acharnement qui était dû justement à une libération tout d'un coup devenue possible du langage, de l'expression dans ce cas-là au niveau cinématographique. Donc d'abord le cinéma néoréaliste découvre le paysage, découvre les acteurs non professionnels et découvre le dialecte. Le dialecte est donc un élément essentiel du cinéma néoréaliste. Et à travers l'utilisation du dialecte, les cinéastes néoréalistes montrent donc l'autre visage de l'Italie, le visage que le fascisme avait tout le temps occulté, c'est-à-dire une Italie fractionnée, une Italie morcelée, une Italie aux réalités différentes et très, très précises. Pasolini s'est intéressé beaucoup au dialecte et... il faudrait peut-être rappeler qu'il a commencé sa carrière littéraire avec un recueil de poèmes en dialecte friulant. Et le souci du dialecte continue dans ses œuvres de romancier. Cette fois-ci, ce n'est plus le Friul, mais c'est la Roma delle Borgate. Et je parle de Ragazzi di Vita ou Una Vita Violenta. Où le dialecte recouvre effectivement une certaine réalité sociale. C'est la réalité du sous-prolétariat des borgate romaines. Les borgate romanes, c'est des bidonvilles, comment appeler ça, qui sont nées autour de Rome, où un monde de marginaux, un sous-prolétariat vit comme peut-être dans les bidonvilles de n'importe quelle autre grande ville du monde. Ce n'est pas la Roma de Trastevere. En tout cas, ce n'est sûrement pas la Roma de Trastevere d'aujourd'hui. Autrefois, Trastevere était sûrement un endroit assez marginal, mais la réalité que Pasolini exprime dans ses romans, ce n'est pas Trastevere, ce sont effectivement les bidonvilles, les borgates. Et ce dialecte, curieusement, je crois, n'a pas la même fonction dans ses films. D'abord, il y a très peu de films de Pasolini où le dialecte est présent. Je pense à ses premiers films, je pense à Catone, je pense à Uccella Ciuccellini. Mais ensuite, toute la recherche et la pensée pasolinienne évoluent dans un sens différent et évoluent dans une constatation que notre société, finalement, a tout nivelé. Et il appelle ça, son terme est homologation. On vit dans une intégration totalisante et la révolte n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de responsables et nous sommes tous co-responsables de cette situation. Donc, il n'a plus de sens de parler de dialecte. puisque finalement je crois que le dialecte, ou l'argot plutôt, des jeunes, des borgate romane, devient le même que celui des jeunes bourgeois, des quartiers snobs de Rome. Et il n'y a plus de différenciation. Donc le dialecte n'a plus de sens. Mio amor le anda alla guerra, chissà quando ritornerà. Mio amor le anda alla guerra, chissà quando ritornerà. Se io saprei la strada, l'andaria ritrovar. Se io saprei la strada, l'andaria ritrovar. A mezza strada in punto d'un bel giovane la gran contrà. A mezza strada in punto d'un bel giovane la gran contrà. Je pense que le spectateur italien, et ça c'est très difficile à comprendre évidemment pour un spectateur français, établit une sorte de convention, de connivence avec le personnage dialectal. Parce que le personnage qui apparaît au cinéma avec son dialecte est entouré de toute une série de connotations bien précises. À travers le dialecte, le spectateur sait qu'il doit s'attendre à certaines choses, à certains comportements, oui. Et le rapprochement avec la Commedia dell'arte est assez facile dans ce sens, parce que finalement, les personnages de la Commedia dell'arte se présentaient au public avec des costumes, bien sûr, mais aussi et surtout avec un dialecte qui les caractérisait et qui leur donnait certaines particularités. Et je crois qu'on peut retrouver un peu la même chose dans les personnages dialectales du cinéma italien. Prenez un film qui est à mon avis très très très beau, qui ne fait pas partie des classiques du néoréalisme, qui a été tourné en 58 par Monicelli, c'est I soliti ignoti, traduit en français avec le titre Le Pigeon, et où nous voyons quatre ou cinq personnages qui parlent quatre ou cinq dialectes différents, et chacun a sa connotation bien précise, régionale, sociale. Je dirais que le spectateur moyen italien, quand il voit au cinéma, quand il entend au cinéma un accent sicilien dans le cadre, dans le contexte d'une ville du Nord, il sait immédiatement qu'il s'agit d'un immigré, et que donc cela signifie toute une série de comportements et de situations et de caractères. Bien précis. Il sait que s'il parle napolitain, il aura des chances d'être un débrouillard. Ou s'il parle vénitien, il aura des chances d'être un peu naïf, un peu nigo. Je pense que c'est un peu la convention qui existe, donc on l'a dit dans la Commedia dell'arte, et pourquoi pas, pour aller beaucoup plus loin, dans le théâtre non japonais. Le spectateur est en face de quelque chose qu'il connaît déjà par convention, et toute la surprise est de savoir comment le personnage va trouver de nouveaux moyens, mais toujours dans une même caractérisation. Et les filles carmagnoles l'année veuille travailler. E piuttosto d'andè pie l'acqua, mangi coile dall'ave. Mangia pare, mangia mare, mangia coi casun tambum. E in tal mentre che mangiau tra un dio e l'immasun. E la mare dalla stala e dal pare sla trava, che parlau sue figlie per pudeie marida. Sauta fera la piccita, mamma mia, marid nemi, mando a Emma se madone, cerche pat mandemmi. Ando a Emma se madone, figlia mia, ventande, e i travai chi se ve ne fe, la mare madonna vi mostra fe. Il y a eu toujours dans le cinéma italien, surtout à partir de 1945, depuis moment où se développe le mouvement néoréaliste, il y a eu une recherche pour essayer de préserver les éléments de la culture profonde de ce pays. Ces éléments de la culture profonde, c'est précisément ceux dont nous parlions tout à l'heure, éléments de dialecte, éléments de croyance, racines culturelles, notamment le rapport à la terre, le rapport au travail. Et dans cette perspective, il est certain que le grand film qui a en quelque sorte montré la voie, c'était le film de Visconti, La Terre tremble. Dans ce film, Visconti montrait la voie de différentes manières. D'abord en choisissant de faire appel directement à des acteurs non professionnels recrutés sur place, et en choisissant de leur demander de parler dans leur langue, en l'occurrence le sicilien. Cette manière de procéder de Visconti posait de graves problèmes qui étaient non pas des problèmes de réalisation, mais des problèmes de distribution. Une fois terminé, l'on sait que le film, dans sa version originale, n'a pratiquement pas circulé et que l'on a été obligé de faire une version destinée à la distribution commerciale qui est une version en italien, et qui est de surcroît une version un peu raccourcie. Or, en matière de cinéma, on ne peut jamais écarter le problème de la production, c'est-à-dire que l'on ne peut pas concevoir de tourner un film si l'on n'a pas les moyens de le tourner, et si l'on n'a pas la garantie ensuite de le voir distribué. Ce qui fait que, dans le fond, ce type de cinéma imposé par La Terre tremble, c'est un type de cinéma qui ne s'est qu'assez peu développé. Et par exemple, dans la même période, De Santis, qui était un cinéaste d'origine, il provenait de la Ciociaria, c'est-à-dire de cette région entre Rome et Naples, qui était un cinéaste très, très attaché à sa terre. De Santis a essayé également de parler des problèmes de la terre, dans des films comme par exemple « Riamère » ou « Pâques sanglantes ». Or, choisissant dans le fond une voie totalement différente de celle de Visconti, De Santis racontait des histoires profondément mélodramatiques, des histoires avec des acteurs extrêmement connus. Par exemple, « Riamère », c'est la découverte de Silvana Mangano. Dans « Pâques sanglantes », il y a Ralph Vallone, Lucia Bosè. De Santis avait donc essayé d'aborder ces problèmes de la paysannerie en utilisant une méthode radicalement différente qui était celle de l'appel à des comédiens célèbres, à une dramaturgie violemment contrastée. Et chez lui, cela tenait vraisemblablement à deux raisons. La première, qui est celle d'un contact meilleur avec le public. L'idée de De Santis, dans le fond, en faisant des films sur ce type de problème avec des acteurs connus et en italien, je pourrais avoir une diffusion meilleure. Le calcul était très juste, puisque de fait, Riamère a eu un succès considérable en Italie et a même été des rares grands succès de la cinématographie italienne aux États-Unis. Il n'y a pas de doute par ailleurs que la voie choisie par De Santis s'éloignait beaucoup de celle adoptée par Visconti. Et dans le fond, au cours des années 50 et des années 60, l'on oscille constamment entre une borne et l'autre, sans jamais choisir vraiment avec précision et de manière aussi nette une possibilité ou l'autre. Par exemple, lorsque Francesco Rosi tourne Salvatore Giuliano, n'oublions pas que Rosi a été l'assistant de Visconti sur La Terre tremble, Rosi utilise en quelque sorte certaines des méthodes de Visconti, l'appel à des acteurs non professionnels, mais pas de façon systématique, puisqu'il y a parmi dans la distribution du film toute une série d'acteurs qui sont des professionnels. Mais en même temps, il dramatise son film, il lui donne une construction extrêmement vigoureuse, une construction d'ailleurs qui est basée sur le principe des retours en arrière et également des avancées dans le temps, une construction extrêmement élaborée qui n'est plus du tout la construction linéaire adoptée par Visconti. Che portano draghe larghe e spivaloni, e appena traffora la galleria, e appena traffora la galleria, lo sai che i minatori sono leggeri, che portano draghe larghe e spivaloni, e appena traffora la galleria, ti piange e per e poi va via. Quando ti vedo che paradiso mi fa rivedere, quando ti vedo là, quando ti vedo là, quando ti vedo che paradiso mi fa rivedere, quando ti vedo là, in mezzo al mare mi fa rivolare. D'une certaine manière, donc, en arrivant à L'arbre aux sabots, on s'aperçoit que c'est un film qui revient à une rigueur qui, je ne dirais pas que cette rigueur avait cessé d'exister dans le cinéma italien, mais disons qu'elle avait été soumise à un certain nombre de déformations ou d'adaptations. Olmi, au contraire, va se lancer dans une entreprise qui, a priori, d'ailleurs, aurait pu sembler suicidaire. Et ici, il faut ouvrir une petite parenthèse, qui est celui de la production. Il est certain qu'un film comme L'arbre aux sabots n'a été possible que parce que c'était une production de la télévision italienne. Olmi a donc pu disposer d'un budget qui n'était pas considérable, mais qui lui permettait de travailler, et surtout d'un budget qui lui était confié en toute indépendance. C'est-à-dire que la télévision n'est jamais intervenue, et là-dessus j'ai eu des témoignages d'autres cinéastes qui ont travaillé dans des films qui étaient coproduits par la télévision italienne, par la RAI, et qui ont, dans le fond, toujours affirmé que la télévision leur donnait moins de moyens qu'un producteur traditionnel, c'est-à-dire que les budgets de la télévision pour des films identiques sont plus faibles que les budgets accordés par des producteurs traditionnels, mais en contrepartie, la télévision laissait une totale indépendance au cinéaste. Pour un film comme L'arbre aux sabots, il est évident qu'il valait mieux avoir moins d'argent et plus de liberté que plus d'argent et moins de liberté. L'histoire de différentes familles qui ont réellement existé avec des noms différents de ce qu'on voit dans les films et qui là, un peu comme si vous avez vu sans doute à la télévision ou lu le livre Racine, le livre américain sur les Noirs, il a fait plus ou moins, sans être inspiré par ce livre qui est indépendant, et le même travail qu'avait fait le romancier Alex Haley, qui a fait tout un voyage en Afrique pour retrouver sa famille, c'est plus loin. Lien oui, avec ses ancêtres. Et Olmi a fait plus ou moins la même recherche, recherche familiale, recherche sociale, recherche du langage, recherche surtout, je dis aussi, de décor, parce que, par exemple, le décor principal, qui est cette grande maison où se déroule presque tout, les différentes familles vivent ensemble, etc. Tout de suite après, le film a été détruit parce que c'était déjà prévu que ça devait être détruit pour faire, je ne sais pas quoi, d'autres constructions, disons. C'était une des dernières grandes maisons qui existait encore à l'état naturel, comme dans les siècles passés. Et c'est ça qui donne un air pas seulement de réalisme au film, mais de réalité concrète, parce qu'il n'a rien triché. Tous les paysans sont de vrais paysans, ils parlent leur langue. Et il y a, les histoires, évidemment, sont vécues dans le siècle dernier, pas aujourd'hui, mais sont réellement vécues. Ce sont des choses absolument vraies, évidemment, refaites par une imagination, si vous voulez, même littéraire, parce que Olmi a écrit un très beau scénario qui est publié aussi en français par l'avant-scène. Et c'est, à mon avis, un roman très intéressant, indépendamment du film qui est très beau à voir. C'est également un cas un peu particulier dans le cinéma italien, parce que c'est un homme qui ne vit pas à Rome. Le cinéma italien est un cinéma qui est entièrement concentré dans la capitale. C'est d'ailleurs, Rome est une ville qui n'est peut-être pas une capitale dans tous les domaines. Il n'y a pas de doute que dans l'industrie du spectacle, ça n'est une. Et les cinéastes qui vivent loin de Rome sont rarissimes. Olmi pousse la singularité non seulement à habiter loin de Rome, mais encore à habiter dans un village et non pas dans une grande ville. Et à avoir chez lui toute une installation qui lui permet de faire l'essentiel du montage de ses films. Donc en fait, il travaille presque en petites cellules autonomes. D'autre part, il travaille aussi en employant des techniques qui sont peu utilisées dans le cinéma italien, le son direct par exemple. Le cinéma italien est un cinéma qui travaille en re-enregistrant systématiquement les dialogues en studio. Au moment du tournage, on ne prend qu'un son témoin qui n'est jamais conservé. Ou qui n'est conservé que dans quelques cas, si par exemple il est d'une qualité... Mais en plus, il est très rare qu'il soit de très bonne qualité, puisqu'il n'est pas pris au départ comme devant servir. Donc il n'y a pas de soins particuliers, ce qui fait que le son direct est à peu près inexistant dans le cinéma italien. Et l'on voit par exemple dans certains films la chose être signalée au générique. Son direct dû à tel preneur de son, c'est tellement singulier qu'on le signale dans les génériques du film, comme je viens de le voir par exemple dans le dernier film de Comencini. Olmi, au contraire, donc, va travailler avec une équipe réduite. Au lieu d'avoir les grands staffs de production, de tournage habituels, il va travailler avec une petite équipe, il va travailler en son direct, et il va faire un film pour lequel il va prendre tout son temps, d'autant que c'est un film qui est sur les saisons, aussi sur le passage des saisons, ce qui suppose que l'on est bien au-delà des délais habituels de tournage qui sont de 6 à 8 semaines pour tourner L'Arbre aux sabots. Il fallait au moins une année. Il fallait pouvoir suivre l'évolution de la campagne, de l'hiver à l'été et également à l'hiver. Un cycle complet. Il fallait que l'on soit dans l'intimité de ces paysans, puisqu'on allait refuser de travailler avec des acteurs professionnels, mais on allait recruter sur place tous les gens qui composeraient la distribution. On allait aussi, d'une certaine manière, écrire le scénario avec eux, puisque Holmy a expliqué que, par exemple, il s'est fait raconter toute une série d'histoires, puisque, rappelons au passage, que le film ne se situe pas dans la contemporanéité. C'est un film qui se situe à la fin du XIXe siècle. Donc, il y avait en même temps la recherche de tout un héritage culturel transmis par une tradition orale de récits. Et, par exemple, un certain nombre d'épisodes, par exemple l'épisode du paysan qui cache la pièce d'or dans le fer du cheval, est un récit, est une histoire qu'on a racontée à Holmy et qu'il a introduite dans son scénario. De même, le choix de la région supposait que Holmy comprenne le dialecte de ces paysans, puisque le film est tourné en bergamasque, c'est-à-dire dans le dialecte de la région de Bergame. Et je signale en passant que c'est un dialecte difficile, puisque les Italiens eux-mêmes ne le comprennent pas. Et habituellement, seuls les dialectes méridionaux ont cette réputation. On dit que le sarde, que le sicilien sont complètement incompréhensibles pour les Italiens des autres régions, mais c'est vrai également de certains dialectes du nord. Par exemple, ce bergamasque était rigoureusement incompréhensible. D'après des amis italiens, on ne comprenait un tout petit peu que les sermons du prêtre. Parce que ces sermons étant particulièrement bien articulés, puisque destinés à l'auditoire des fidèles, là, on comprenait un petit peu mieux, on percevait quel était le sens général du discours. Mais pour le reste, qui est le parler quotidien des paysans, le film était rigoureusement incompréhensible. Ce qui poserait ensuite des problèmes au niveau de la distribution. On pourra dire comment ils ont été résolus. Donc il fallait pour tourner ça avoir avec soi un groupe de paysans ayant accepté de reprendre leur mode de vie traditionnel, ayant accepté de retrouver leur langue traditionnelle, car c'est aussi une difficulté dans le cas du travail d'Holmy, qui était celle de retrouver la langue, parce que ces dialectes, il faut bien le dire, la circulation de l'information, le fait que les rapports ville-campagne sont des rapports qui se sont multipliés, le fait que les enfants vont à l'école, que certains sont allés travailler dans les usines de la région milanaise proche, et tout ceci a eu pour conséquence de provoquer un recul du dialecte. Et dans le film, par exemple, les vieux n'avaient aucune difficulté, mais déjà la classe intermédiaire a dû faire un effort pour reparler le dialecte. Et quant aux enfants, il a presque fallu leur réapprendre, ou en tout cas les refamiliariser avec une langue qui était pour eux pratiquement plus qu'une langue écoutée et comprise, mais plus parlée. Donc le film a été, de ce point de vue, peut-être une œuvre extraordinaire qui nous gardera, qui nous donnera la possibilité d'avoir ce témoignage sur ce que pouvait être une société paysanne à la fin du XIXe siècle, avec ses problèmes spécifiques, avec son univers spécifique, avec ses croyances, avec le poids de l'Église, avec la présence de ce prêtre qui est une espèce de personnage central, avec les rapports avec le patron qui est un personnage lointain, une espèce de patron de droit divin, et qui exerce une telle autorité que les paysans ne sont même pas amenés à se rebeller ou à contester cette autorité. Il suffit de voir comment la famille rejetée à la fin du film parce qu'elle a coupé un arbre, et comment ces gens-là préparent leur harde et s'en vont sans protester et sans provoquer la protestation des autres pour comprendre quel était le type de rapport qu'il pouvait y avoir entre le maître de la terre et ces paysans qu'il a travaillé. Donc, on a un film qui s'est inscrit complètement à contre-courant de ce qui se faisait dans le cinéma italien. Une comparaison vient immédiatement à l'esprit. C'est une comparaison d'ailleurs qui a été faite par tout le monde, qui est la comparaison avec le film des frères Taviani, Padre Padrone, où il y a également une tentative d'approche de la société paysanne, dans le cadre du film de Taviani, la société sarde. Mais ici, les choix stylistiques étaient totalement différents, puisque les cinéastes choisissaient de faire appel à des comédiens professionnels, même s'il s'agissait de comédiens un peu connus, c'était quand même des comédiens professionnels, des comédiens de théâtre, et ils choisissaient de les faire parler en italien, c'est-à-dire d'imposer dès le départ une convention. Et il faut d'ailleurs dans le film attendre la séquence du service militaire pour s'apercevoir qu'en réalité, le film que l'on vient de voir du début jusque-là, c'est-à-dire à peu près, si mes souvenirs sont exacts, à peu près aux deux tiers du film, pour s'apercevoir que le film se passait en fait en sarde. Il était parlé en italien, mais les protagonistes, en réalité, s'exprimaient en sarde. Et lorsque le protagoniste arrive au service militaire, à Pise, il a des difficultés avec son entourage parce qu'ils ne se comprennent pas. Et nous ne le savions pas jusque-là. Donc il y a une convention choisie par les metteurs en scène, qui ont d'ailleurs suivi en cela la convention de Gavino Leda, l'auteur du livre qui était antécédent au film, qui lui-même avait choisi d'écrire son livre en italien. Et la raison de ce choix était une raison de communication. Car évidemment, le problème fondamental qui se pose, je l'ai dit tout à l'heure, le bergamasque, on ne le comprend pas, le sarde, on ne le comprend pas. Donc le problème de la communication, c'est un problème sur lequel on peut réagir de manière différente. Et dans le cas du film des Taviani, la communication se traduit par le choix de l'italien, qui devient de plus en plus une espèce de langue véhiculaire. Et ce qui a imposé l'italien comme langue véhiculaire, c'est la télévision. Finalement, les efforts, c'est une remarque qui se rattache à ce que l'on pouvait dire du cinéma dialectal pendant la période fasciste, les efforts du fascisme pour imposer une langue unique sont des efforts qui se sont traduits par un échec à peu près total. Et le fascisme n'a pas eu de réelle incidence sur les dialectes. Il n'a pas réussi à extirper les dialectes. Par contre, là où le phénomène dialectal tend progressivement à disparaître, ou en tout cas à s'altérer, c'est depuis la diffusion de la télévision. Parce que la télévision s'exprime dans un pouvoir de fascination considérable, elle s'est fortement développée en Italie, dans les villes comme dans les campagnes. Cette télévision parle une langue que les Italiens ont d'abord perçue comme une langue complètement abstraite, qui est l'italien. Parce que l'italien n'est pas une langue, ça peut paraître paradoxal, mais n'est pas une langue vivante. C'était une langue officielle, c'était la langue des bureaux, c'était la langue de l'administration. C'était pas la langue quotidienne. La langue quotidienne, c'était le dialecte. Ou c'était un mélange, une langue à mi-chemin entre l'italien et le dialecte. Cet italien, c'était uniquement, dans le fond, au départ, le dialecte de la région de Florence, de Sienne, puis c'est tout. Or, avec la télévision, formidable processus de diffusion de la langue, l'italien devient la langue de tout le monde, devient la langue véhiculaire propre à tous les Italiens. Dove l'hai presa? Vendi. Vuoi? On comprend dès lors que le choix de Olmi était un choix qui allait complètement à contre-courant de cette optique. Et allant à contre-courant de cette optique, il s'est lui aussi trouvé confronté au problème de la diffusion de son film. Et finalement, le choix a été le suivant. Olmi l'a résolu de façon, je trouve, fort habile. Il existe donc la version officielle, enfin la version originale qui est une version en bergamasque, et puis il existe une version en italien, interprétée par les mêmes paysans. C'est-à-dire qu'après le succès du film, obtenu grâce à la Palme d'Or au Festival de Cannes, le film qui, au départ, était conçu comme devant être un film vraisemblablement à diffusion restreinte dans les salles de cinéma et à exploitation unique à la télévision. C'est-à-dire ces films qui sont de coproduction entre la télévision et quelquefois un producteur privé, il est rare que la télévision les produise à 100%. Ce sont des films qui doivent circuler d'une part dans les salles, mais en général c'est une exploitation que l'on pourrait presque qualifier de complémentaire, et puis passer une fois ou deux fois sur les écrans de la télévision. Le succès remporté à Cannes a évidemment provoqué la nécessité de le diffuser commercialement. Mais on ne pouvait pas le diffuser commercialement en bergamasque. Et le public italien n'aurait pas compris le dialogue. Donc là, il y a eu une première idée qui consistait à le sous-titrer, mais c'était une difficulté parce que d'abord le public italien n'est absolument pas habitué au sous-titrage. Le sous-titrage est quasiment inexistant en Italie. À de rares exceptions près, tout est doublé. Films américains, films français, j'ai même vu en Italie des films japonais doublés, ce qui donne d'ailleurs des résultats surprenants parce que le mouvement des lèvres... avec des acteurs qui jouent en japonais et qui doivent parler italien, donne une espèce de non-synchronisme qui est épouvantable. Donc en fait, la seule solution possible, c'était de le doubler. Et plutôt que de le doubler avec des acteurs professionnels, Olmi a résolu le problème, je le répète, de façon fort adroite, en amenant tous ces comédiens paysans dans des studios et en leur faisant jouer les rôles, en leur demandant de se doubler eux-mêmes en italien. Et comme on a vu tout à l'heure qu'en fait c'était des gens qui parlaient tous italien et qui avaient dû quasiment se refamiliariser ou réutiliser une langue qui était un tout petit peu en voie, je ne dirais pas de disparition, pas du tout, mais qui était un peu moins utilisée. Donc cela n'a pas été très difficile, ce qui fait que finalement la version qui circule commercialement en Italie est une version également assez belle, sinon que les acteurs jouent en italien et que l'on n'a plus évidemment le son direct. C'est un son repris en studio alors que le film avait été tourné en son direct. Nuit magnétique, cinéma sous les branches. Par Roland Auguet, Chantal de Béchade, Marie-France Nussbaum. Avec Lorenzo Codelli, Enrico Fulchignoni, Jean Gilly, Francesca Isidori, Gérard Legrand, Simon Misrahi. Texte de Francesco Rossi, lu par Claire Viala. Demain, le néo-réalisme. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 septembre 1980. La suite demain à la même heure. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.